Le lendemain, Crevel fut annoncé chez ses enfants, au moment où toute la famille était réunie au salon après le déjeuner. Célestine courut se jeter au cou de son père et se conduisit comme s'il était venu la veille, quoique depuis 2 ans ce fût sa première visite. « Bonjour, mon père, » dit Victorin en lui tendant la main. « Bonjour, mes enfants, » dit l'important Crevel. « Madame la baronne, je mets mes hommages à vos pieds. Dieu comme ses enfants grandissent, ça nous chasse. Ça nous dit « Grand-papa, je veux ma place au soleil. Madame la comtesse, vous êtes toujours admirablement belle, » ajouta-t-il en regardant Hortense. « Et voilà le reste de nos écus. Ma cousine bête, la vierge sage, mais vous êtes tous très bien ici, » dit-il après avoir distribué ses phrases à chacun et en les accompagnant de gros rires qui remuaient difficilement les masses rubicondes de sa large figure. Et il regarda le salon de sa fille avec une sorte de dédain. « Ma chère Célestine, je te donne tout mon mobilier de la rue des Saussets. Il fera très bien ici. Ton salon a besoin d'être renouvelé. Ah, voilà ce petit drôle de Venceslas. Eh bien, sommes-nous sages, mes petits-enfants? Il faut avoir des mœurs. » « Pour ceux qui n'en ont pas, » dit Lisbeth. « Ce sarcasme, ma chère Lisbeth, ne me concerne plus. Je vais, mes enfants, mettre un terme à la fausse position où je me trouvais depuis si longtemps. Et en bon père de famille, je vais vous annoncer mon mariage. Là, tout bonifacement.